aimer c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Et alors l'amour est plus fort que la mort. Chiquito Mouchachino, représentant légal des Suisses-Irlande. Si recours pena vie à noter, grâce à la vie nini na problème nanga. Bakota kabola ko soki obuki mi peku, mino linga kana sala, oyonga na sali silvi, mona koma mopa ya lela, na mute mana ya. Soki se la ata e lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, Fudo Adolphe. Nakati fireku pena vie ya note. Ansala binanga nini na problema nanga. Bakota kabola ko soki obuki mbeku. Ninyo linga kanasa oyo mbana sali sivi. Kona koma mopa ya lela yo na mute mana yo. Soki lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, Banguna, vérifie la nouvelle information. Pour Nathalie, innocent. Bakala va toujours n'importe quoi. Pour battre pour la Géa. Mana yoto kabwana banguna basa feti. Bakala va toujours n'importe quoi. Mouchachino, bana ya toka bwana bangu na basa fetie. Mi baleo, ata mucha guie capetitea, ey ey. Kendi Jerry Pidio Manda Chewa La bia yamba kimba yo Maboko polele Radeza yo Lelo ekomi kole kilanga yo yo yo Atambo tete o Le sponsor Claude Kalala Abbé Robert J.P. Meyer de London Mabutu Napoléon Bienvenue Mangani, Autrichien Bafiti Bakosé Chintou Nimonde, Pati Tumba Nanako ya Bele la Bayole la Yo Anya Mugirwa Mabutu Edesé Mabutu Napoléon Bokulaka, Mike Balusa na London Bafiti Bakosé